L'inflation est potentiellement un énorme problème et une énorme menace. Mais à mon avis, ce n'est pas pour demain. Elle est pratiquement terminée, dans le sens où nous avons atteint son pic et qu'elle va commencer à baisser beaucoup plus vite que prévu. À l'heure où nous parlons, l'Amérique ne fait que produire de l'argent en continuant d'imprimer. Les gens attendent maintenant le revenu de base universel et la théorie monétaire marxiste. Tout le monde veut de l'argent gratuit. Il est important de comprendre ce qui s'est passé au Zimbabwe. C'est maintenant une sorte de Star Trek parce que les dollars zimbabwéens valent plus aujourd'hui qu'à l'époque où ils étaient imprimés et sont utilisés aujourd'hui comme des articles touristiques. Ce que l'Amérique fait n'est pas différent de ce qu'Hitler et la République de Weimar ont fait en Allemagne en 1920 ou de ce que le Venezuela et l'Argentine ont fait. Nous faisons la même chose et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis deviennent socialistes, marxistes, peut-être même communiste, et c'est ce qui m'effraie. Et je sais que je peux probablement obtenir une plateforme D pour ça, mais ainsi soit-il. La question était donc de savoir si c'était transitoire. On ne l'aurait pas su avant le troisième ou quatrième trimestre de 2021. Parce que si vous revenez en 2020, l'économie du deuxième trimestre était le plus grand effondrement alors que celle du troisième trimestre était l'une des plus grandes augmentations. Cela aurait tendance à effacer les effets de base. Et vous regarderiez quelque chose de plus proche de l'inflation réelle et persistant. Avec les données de septembre à novembre et même les quelques données de décembre, on peut dire que l'inflation a persisté. Elle a donc duré plus longtemps que je ne le pensais. Mais je reste persuadé qu'elle va disparaître assez rapidement et que nous avons passé le pic. L'été dernier, j'étais un peu mal à l'aise parce que la Fed et moi nous disions que ce serait transitoire. Alors que dans une de mes thèses, je dis que la Fed a toujours tort. J'étais donc très mal à l'aise à l'idée d'être du même côté que la Fed et je pensais avoir raté quelque chose, mais ils se sont ravisés. C'est une chose de dire que la chaîne d'approvisionnement fait partie de l'économie. Mais j'irai même plus loin en disant que la chaîne d'approvisionnement est l'économie. Vous ne pouvez pas penser à un bien ou un service que vous achetez ou qui vous est livré, qui ne fait pas partie d'une chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas tombé du ciel. Vous achetez quelque chose au supermarché, comme un paquet de chips au maïs, puis vous pensez d'où vient le sac? Qui l'a fabriqué? Qui a fait sa publicité et son marketing? D'où viennent les chips de maïs? Elles sont fabriquées à partir de maïs, et ce maïs vient d'une ferme. Comment est-il arrivé là? Il a été transporté par camion. Qui conduisait? Un chauffeur de camion. Et comment le maïs a-t-il été récolté? Par de grandes opérations de récolte, etc. Donc vous remontez au sac, à l'impression, à la publicité, au marketing, puis au maïs, à sa récolte et à sa transformation, et à tout le transport et la communication qui s'ensuit. Imaginez maintenant tout ce qu'il y a dans un supermarché ou centre commercial. Tout ce que vous achetez. Et soudain, vous réalisez que vous vivez dans un monde de processus, d'entrée et de sortie qui relève de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, c'est que les chaînes d'approvisionnement coûtent de l'argent. Si vous avez du stock, vous immobilisez des fonds de roulement. Si vous n'aviez pas acheté ce stock, vous auriez plus d'argent à la banque. Il y a donc un coût associé au stock ainsi qu'au transport, aux contributions, aux produits de base, au marketing, à la distribution, etc. Ainsi, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement correspond à votre structure de coûts. Puis vous vendez votre produit à un prix fixé par le marché et vous réalisez un bénéfice. Si je vous disais que nous allons avoir une inflation, vous sauriez exactement quoi faire. Acheter de l'or, de l'immobilier, le type d'actifs durs qui ne sont pas très performants en cas d'inflation. Alors que si je vous disais que nous allons avoir une déflation, vous auriez plus de liquidités parce que les taux d'intérêt baissent, et ainsi de suite. Maintenant, si je vous disais que nous sommes sur le fil du rasoir, que nous pourrions avoir une inflation ou une déflation. Vous devriez vous préparer à être prêt aux deux situations. C'est ce que j'appelle l'alter. Avoir deux poids qui correspondent à votre allocation d'actifs, à chaque extrémité, et un connecteur au milieu. Vos actifs durs pour vous protéger contre l'inflation et vos liquidités pour vous protéger contre la déflation parce que les taux baissent. Les prix des actifs montent, et votre connecteur, c'est le cash. Vous avez peut-être une allocation de 30% de liquidité et les gens disent « Jim, je déteste les liquidités. Elles n'ont aucun rendement. Pourquoi en avoir ?» La première raison est que le cash est en fait une couverture contre la déflation. Tout le monde connaît l'inflation. La valeur du cash diminue. Mais la déflation existe aussi. La valeur des liquidités augmente. Vous avez donc là une couverture contre la déflation. Et cela réduit également la volatilité du portefeuille. Donc si vous avez de l'or et que les choses sont volatiles ici et là, les liquidités réduiront la volatilité globale pour que les gens puissent dormir la nuit. Mais la partie la plus précieuse du cash, que les gens ne comprennent pas, c'est l'optionnalité intégrée. Si vous êtes la personne avec l'argent, tout d'abord, si l'inflation ou la déflation prend le dessus, vous pouvez pivoter du bon côté de l'altère. Mais surtout, s'il y a un crash catastrophique, vous pouvez respirer profondément parce que votre patrimoine est préservé et vous pourriez être celui qui va faire du shopping. D'ailleurs, notre ami Warren Buffett a fait plus de 115 milliards de dollars de liquidités dans le bilan de Berkshire Hathaway, le plus d'argent qu'il n'ait jamais eu parce qu'il voit ce genre d'effondrement arriver. Au lieu d'aller faire du shopping maintenant, attendez les soldes. Le facteur clé est d'avoir des actifs diversifiés. Quand on parle de portefeuille diversifié, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a beaucoup de sciences économiques derrière. Bien sûr, la diversification est une bonne chose et puissante. Ce que la diversification fait, si elle est faite correctement, elle devrait augmenter votre rendement total sans augmenter votre risque. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment la diversification. Je rencontre tout le temps des gens qui disent « Je suis très diversifié. J'ai 50 actions différentes dans 10 secteurs différents. Technologie, consommation, services non durables, mines. » Et je leur réponds que non, ils ne le sont pas. Ils ont peut-être 50 actions, mais ils n'ont qu'une seule classe de réponse, à savoir les actions. Et elles deviennent hautement corrélées dans certaines conditions. Si le marché boursier baisse, elles ont tendance à baisser tout ensemble et inversement. Vous n'êtes pas vraiment diversifié si vous êtes dans une seule classe d'actifs. Une vraie diversification signifie avoir de nombreuses classes d'actifs qui ne sont pas fortement corrélées entre elles. Donc, ayez une part d'actions ainsi que du terrain, de l'immobilier, du capital risque, de fonds de couverture d'actifs et de ressources naturelles comme le pétrole, l'or et l'argent. C'est ça une vraie diversification.